D'accord. Et vous aviez le lundi aussi de... Et au commencement, on avait... Oui, on avait le lundi. On avait, oui, presque toujours. Hein. Ah bon ? Je ne me rappelle pas d'avoir travaillé beaucoup le lundi. Hein. Mmh. Et qu'est-ce que vous faisiez pendant les jours de congé ? Violon. Ah, vous faisiez des violons à la maison ? Ah oui. Oui. Vous n'aviez pas de jardin ? Si, j'avais un jardin, mais je faisais quand même des violons à la maison. Mmh. Oui.